Genèse chapitre 33. Et Jacob, levant ses yeux, regarda, et voici, deux accents aigus Esaü venaient, et 400 hommes avec lui. Et Jacob divisa les enfants en trois bandes, savoir, sous Léa, et sous Rachel, et sous les deux servantes. Et il mit à la tête les servantes avec leurs enfants, Léa et ses enfants après, et Rachel et Joseph les derniers. Et il passa devant eux, et se prosterna en terre par sept fois, jusqu'à ce qu'il fût proche de son frère. Mais Esaü tréma courut au devant de lui, et l'embrassa, et se jetant sur son cou, le baisa, et ils pleurèrent. Puis levant ses yeux, il vit les femmes et les enfants, et dit, « Qui sont ceux-là, sont-ils à toi ?» Jacob lui répondit, « Ce sont les enfants que Dieu, par sa grâce, a donnés à ton serviteur. » Et les servantes s'approchèrent, elle et leurs enfants, et se prosternèrent. Puis Léa aussi s'approcha avec ses enfants, et ils se prosternèrent, et ensuite Joseph et Rachel s'approchèrent, et se prosternèrent aussi. Et il dit, « Que veux-tu faire avec tout ce camp que j'ai rencontré ?» Point d'interrogation. Et il répondit, « C'est pour trouver grâce devant mon Seigneur. » Et Esaü tréma dit, « J'en ai abondamment, mon frère, que ce qui est à toi, soit à toi. » Et Jacob répondit, « Non, je te prie, si j'ai maintenant trouvé grâce devant toi, reçois ce présent de ma main, parce que j'ai vu ta face, comme si j'avais vu la face de Dieu, et parce que tu as été apaisé envers moi. Reçois, je te prie, mon présent qui t'a été amené, car Dieu m'en a donné par sa grâce, et j'ai de tout. » Il le pressa donc tant, qu'il le prit. Et Esaü tréma dit, « Partons, et marchons, et je marcherai devant toi. » Mais Jacob lui dit, « Mon Seigneur sait que ses enfants sont jeunes, et je suis chargé de brebis et de vaches qui allaitent, et si on les presse d'un seul jour, tout le troupeau mourra. Je te prie, que mon Seigneur passe devant son serviteur, et je m'en irai tout doucement au pas de ce bagage qui est devant moi, et au pas de ses enfants, jusqu'à ce que j'arrive chez mon Seigneur, en Séhir. » Et Esaü tréma dit, « Je te prie, que je fasse demeurer avec toi quelqu'un de ce peuple qui est avec moi. » Et il répondit, « Pourquoi cela, je te prie, que je trouve grâce envers mon Seigneur ?» Ainsi Esaü tréma s'en retourna ce jour-là par son chemin en Séhir. Et Jacob s'en alla à Sukkot, et bâtit une maison pour soi, et fit des cabanes pour son bétail, c'est pourquoi il nomma le lieu, Sukkot. Et Jacob arriva sain et sauf à la ville de Sichem, au pays de Chanaan, venant de Padan Aram, et se campa devant la ville. Et il acheta une portion du champ dans lequel il avait dressé sa tente, de la main des enfants des morts, père de Sichem, pour 100 pièces d'argent, et il dressa là un autel, qu'il appela le Dieu fort, le Dieu d'Israël.